On va parler de football avec notre ami Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, le lendemain, je t'ai envoyé un message pour rire un peu des Alouettes. 56-10 contre un quart recru qui est à son deuxième match dans la Ligue canadienne de football, Chris Taveler. La bonne nouvelle dans ça, c'est que Reed Nichols est blessé. Fait que là, s'il continue à bien faire, il y a peut-être un corps qui va se libérer pour les Alouettes. Quand tu regardes tout ça, là. Ouais, un corps qui se libère pour les Alouettes, on va être rendu avec 13 carrières. Hey, c'est quoi? Notre équipe. Mais écoute, moi, Dan, je suis un des personnes qui suivent les Alouettes et qui a tenté de rester positif le plus longtemps possible depuis l'arrivée de Kevis Reed particulièrement, là. Mm. Mais également dans les derniers déboires là, de Jim Popp. Et je te dirais que le dernier match. C'était pas beau. Écoute, c'est pas juste de perdre, c'est de la façon dont ils ont perdu. Accorder 24 points en un quart. Au deuxième quart, là, ils ont perdu 24-7. Ouais. Puis l'autre chose, là, au quatrième quart, ils ont perdu 16-0. Donc, non seulement on a perdu, on a abandonné. Normalement, le quart lève le pied aussi, là. L'autre équipe lève le pied, normalement. Ah, mais non, mais c'est... Puis, tu sais, on n'a pas senti Winnipeg vouloir l'enfoncer dans la gorge des Alouettes, là. Ouais. Eux, ils ont continué à jouer au football, ben simple, puis on continuait à se faire battre. C'était pathétique. Le plan de match était atroce. On a couru 4 fois avec Tyrell Sutton. Beaucoup de pénalités aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pénalités. Puis ça, normalement, les pénalités, c'est la faute de l'entraîneur. Mauvaise préparation. Puis les unités spéciales. Ouais. Les unités spéciales, de un, défensivement, on n'a jamais été en mesure d'arrêter l'attaque des Blue Bombers. Ouais. On a dégagé seulement 2 fois. Sur les 2 retours, on a fait 6 verges en tout. Oui, effectivement. Je ne sais pas comment que ça va se finir, parce que là, demain, on affronte Brendan Bridge, parce que Zach Calaros est parti pour 6 semaines. Mm-hmm. Bridge, c'est pas un 2 de pique non plus. L'année passée, il a très, très bien fait en relève. Après ça, regarde... T'sais, on parle déjà de congédier Drew Willey parce que Vernon Adams est arrivé. Oui, Willey, c'est pas la solution. Il était chancelant, mais moi, j'ai toujours dit que c'était un bon deuxième carrière. Puis il est seulement dans la mauvaise chaise, puis c'est tout, là. Dans le cas de Drew Willey, là. Puis c'est-tu Vernon Adams, c'est-tu Kenny Hill, le fils de Kenny Hill, qui va changer ça? Je suis pas sûr non plus, là. Non, mais je te dirais... Puis la ligne à l'attaque est très mauvaise aussi. Si t'amènes... Puis là, je vais exagérer, mais c'est ça. Même si t'amènes Tom Brady en ce moment, le cancer est beaucoup plus profond au niveau des Alouettes. La ligne à l'attaque fait pitié. Moi, j'étais quand même, je dirais pas satisfait, mais je trouvais qu'il y avait du positif après le premier match défensivement. Et là, on arrive, tu sais, on avait une belle situation chez les Alouettes en jouant contre les Blue Bombers avec un carrière recru. Suivre ça contre Saskatchewan avec un carrière numéro 2. Oui, Brendan Bridge, il est pas mauvais, mais j'aime bien mieux affronter Brendan Bridge que Carolus. Puis là, c'est quoi? Brendan Bridge, là, il arrive là, avec une confiance dans ce match-là au-dessus de ce qui s'est supposé. Lorsqu'on a réussi à sortir Andrew Harris du match, en se disant bon, ben Andrew Harris, moi j'ai pas vraiment aimé de le voir blessé là, mais tu te dis bon ben au moins c'est le meilleur joueur, je vous imagine. Ouais. Mais non, Kinyon la France rentre puis il court 10 fois pour 50 verges, 55 verges de moyenne, un touché. Ouais. C'est décourageant là, c'est décourageant puis. On n'en a pas de solution à Montréal. On amène Vernon Adams, pauvre Vernon Adams qui arrive à Montréal puis qui a comme sa dernière chance, lui, dans la Ligue canadienne, mais avec les Alouettes, je veux dire, il y a quelque chose là qui... puis encore là, le coach, moi, je ne blâme pas nécessairement que l'entraîneur-chef qui arrive dans une nouvelle ligue avec l'expérience qu'il lui a au niveau professionnel, mais encadré avec un directeur général qui, selon moi... Oui, Pascal, tu sais, l'année passée, on examinait les carrières, puis on disait, j'allais voir les deuxièmes carrières, puis on disait, il n'y en a pas. Mais comment se fait-il que Chris Stavoller, qui semble être vraiment très, très bien remplacé, très, très bien remplacé, le Reed Nichols, à Toronto, Ricky Ray est blessé. On est allé chercher Jeff Franklin, puis je lisais les commentaires des gens qui suivent les Canadiens. On dit que Jeff Franklin, c'est la prochaine grande vedette des carrières des Canadiens. On est allé chercher dans l'organisation des Eskimos d'Edmonton. Comment se fait-il? Bien, tu sais, des jeunes carrières là, comme Traveller à Winnipeg ou Franklin ou... ouais. C'est, l'affaire, là, c'est que Traveller à Winnipeg, là, c'est pas un sauveur, là. Lui, là, il est entouré. Il a une ligne c'est à l'attaque. C'est sûr que s'il y a une bonne ligne solide. À l'attaque, ça fait tout le problème. Ça fait toute la différence. Elle est solide. Il y a un gars comme Andrew Harris, qui est un vétéran, qui est un couteau suisse, là, qui est capable de l'aider autant au niveau de la protection que le jeu au sol, qu'au niveau aérien. On a une défense qui est quand même assez très respectable. Des unités spéciales. Les unités spéciales, là, c'est la clé de la Ligue canadienne, et la raison pourquoi Winnipeg est en mesure depuis 3-4 ans, même s'ils n'ont pas tout le temps eu le meilleur club, d'être en mesure de compétitionner puis de se faire une place dans les séries, c'est particulièrement avec les unités spéciales. On a changé combien de fois d'entraîneur d'unité spéciale, nous autres, à Montréal? C'est l'enfer, c'est vrai. Je pense autant que de carrière, tu sais. Ouais. Après ça, on n'a aucune stabilité. Donc, peu importe, même si on avait trouvé Chris Traveller, nous autres, là, de notre côté, là, qu'est-ce qu'il aurait fait de différent de Drew Willey, à part peut-être courir un peu plus parce qu'il est plus jeune puis il est plus actif. Écoute, moi, là, j'ai vu Drew Willey se faire saquer sur un screen. Un screen, là, c'est un jeu fait pour la pression, c'est t'amènes tout le, tu sais, tu laisses amener les joueurs défensifs et après ça, tu te débarrasses d'une petite passe facile. Écoute, c'était comme s'il y avait personne sur le terrain. Drew Willey, il a fait la tortue, il s'est rentré dans sa coquille, puis merci bonsoir, un autre sac. Ah, Willey, c'est pas Willey là, c'est pas. On est loin de Sean Watson. C'est le jour et la nuit. Donc, ce soir, c'est en Saskatchewan. Et Pascal, en terminant, je veux te parler de Ricky Ray. Ricky Ray, est-ce que c'est la fin? J'espère que non. Ah, ben là, il a 38 ans. Ça ressemble à ça, hein? Oui. Écoute, moi, là, quand j'ai pris ma retraite au niveau de la Ligue canadienne, j'avais parlé avec deux bons amis, Éric Lapointe, qui est un ancien porteur des Alouettes, pas le chanteur, là. Non, c'est très bien. L'ancien porteur. Et d'ailleurs, s'il est encore le président des anciens Alouettes, c'est ça? Il est encore le président des anciens Alouettes? Je sais pas s'il est encore le président de l'Association des anciens. Ouais. Je sais qu'il est moins impliqué, là, parce qu'il y a quand même une compagnie assez performante au niveau des finances, là. Puis j'avais parlé avec Bruno Eppel pour savoir un peu, qu'est-ce que je devrais, tu sais, comment je devrais faire, parce que, puis lui, il me disait, les deux ont eu le même discours en disant, on choisit jamais vraiment de prendre une retraite. La retraite choisit de nous prendre. Tu sais, c'est rare que tu vas voir un corps arrière. Tu sais, t'as vu Peyton Manning, là, il a réussi à gagner un Super Bowl, il a pris sa retraite. Mais t'as vu la performance qu'il y a eu, hein, dans cette saison-là? Ah, c'était moi, j'ai dit que c'était c'est le pire carrière après, même pire que Trent Dilfer, c'est le pire carrière à avoir remporté le Super Bowl. Mais c'est ça. Puis il était quand même chanceux parce qu'il a réussi à remporter un Super Bowl. Mais c'est la défensive. Pensons à s'il n'avait pas réussi à gagner un Super Bowl, on serait dit, ah, maudit, Peyton aurait dû prendre sa retraite l'année passée ou l'année d'avant. Brett Favre a fait pareil. Là, je te nomme les superstars, là. Mais c'est le football, mais le sport professionnel en général, là, c'est bien rare qu'on réussisse à gagner une Coupe Stanley, à gagner un Super Bowl, à gagner une Coupe Grey, puis dire, bon, mais parfait, je m'en vais. Souvent, on va donner une année de plus. On va dire, c'est ça. Ça m'a donné un boost de plus. puis on y tourne. Mais là, Ricky Ray, c'est-tu quoi? Il a gagné la Coupe Grey l'année passée. Il aurait pu finir cela puis dire ouais. C'est bon, parfait, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est un compétiteur. Il a poussé. Puis là, ben, il est arrivé une bad luck. Puis souvent, c'est la bad luck. Ou c'est l'appel qui dit la retraite vient de chercher. Effectivement. Effectivement. Puis là, on est chanceux, là. On s'en. Il semble avoir retrouvé toutes les sensations dans les extrémités de son corps. Là, donc, tu sais, c'est parce que faut pas que cette bad luck-là non plus. Tu sais, je veux dire, il va être un grand-père là, un jour, puis il va vouloir jouer avec ses petits-enfants. Là, ouais. Fait que, ça ressemble à Ricky Ray. Hein. À la fin de Joe Theismann. Écoute, je pourrais pas te dire, je me souviens pas, là, mais... Joe Theismann, qui avait été blessé, je pense, à la jambe, qui avait connu une très belle carrière dans la NFL, puis... Ça s'était terminé de cette sorte-là, bon, regarde. Parce qu'on s'en... Arrive, c'est ça. Ouais, on s'en reparle vendredi prochain? Puis j'espère qu'on va se reparler sur une note positive, parce que le football est un des plus beaux sports pour moi. C'est le plus beau sport qui existe. Puis au Québec, on a du bon football. Puis réalité, c'est que ça passe par la réussite des Alouettes. Puis il faut que les Alouettes aident la continuité de ce succès-là. Mais Pascal, heureusement, je sais pas si tu te rappelles des Alouettes au début des années 80, les Concorde, les Alouettes étaient peut-être un peu trop jeunes pour ça. Ça ressemble étrangement. Mais je me rappelle très bien d'aller voir jouer les Concorde, mais je me souviens pas de qui c'est qui jouait. Du contexte, puis tout ça, là. Ça ressemble pas mal à ce qui se passe. Hein. T'sais, faudrait pas que les... Heureusement, ce qui... Ben là, on les a perdus après ça ouais, aussi. Hein? Mais dans le temps, deux choses dans le temps. Premièrement, on pensait que la NFL viendrait à Montréal. Ça, c'est un rêve. Ça ressemble pas mal à Québec avec la Ligue nationale. Il y a beaucoup de... On pensait que la NFL allait venir à Montréal puis que les Alouettes ou les Concorde étaient un obstacle pour la vue de la NFL. Ça, on s'est mis un doigt dans l'œil. Et deuxièmement, Pascal, c'est que... ce qui est arrivé aussi dans le cas des Alouettes, c'est qu'on a, on n'a pas la culture football. On n'avait pas la culture football qu'on a maintenant. T'sais, le rouge et or, le vert et or, les carabins, ça va aider. Là. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr qu'on est solide en dessous. La base est solide. Oui. Sauf que pour la passion du jeune, pour continuer le développement, faut que le petit gars qui joue à tombe, qui joue moustique, qui commence en Benjamin, il faut qu'il se voit être un Alouette. T'sais. C'est moi, là, je me souviens très bien quand j'ai commencé à jouer au football, j'avais 9 ans, puis les Alouettes venaient de recommencer à arriver là, dans les années 91, 12, là, me semble. Puis j'avais dit à mon père, à cet âge-là, j'ai dit, moi, un jour, là, je vais jouer pour les Alouettes. Puis mon père m'avait dit, ben, il dit, commence par jouer moustique, là, puis on verra. Ouais. On verra après. Mais tu sais, c'était quand même cette. Là, tu sais, moi, ce que j'ai peur hein, avec le gâchis qui est en train de se produire, c'est que ça devienne pas un peu une risée, tu sais, un peu ouais. le hein. Ben, j'en ai déjà une risée, Pascal. Je te l'ai dit, avant la saison, je peux te dire d'en aller 3 victoires. Puis tu m'as dit, t'es sévère. Ouais. Puis je pense que ça va ressembler pas mal à ça. S'il n'y a pas de changement, là. J'ai peur en ce moment. Avec qu'est-ce que j'ai vu la semaine passée, j'ai peur. J'aime pas ça. Non. J'ai pas aimé ça. Non. Je te le dis, là, ça va ressembler à tu m'avais dit que t'es négatif, mais non, regarde, ça ressemble pas mal à ça, j'étais réaliste. S'il n'y a pas de changement, là, faut qu'il y ait des changements. Hey, j'ai 13 défaites en ligne, là. C'est qui le dernier carrière qui a eu une victoire pour les Alouettes? Qui est le dernier carrière à avoir une victoire pour les Alouettes? C'était Kevin Glenn? C'est Vernon Adams. C'est vrai, j'ai vu ça cette semaine. C'est Vernon Adams, donc. Moi, là, je serais pas surpris que c'est comme ça qu'on l'a signé. Oui, effectivement. Je pensais que c'était Kevin Glenn, mais non, le but de même. Non. Mais sais-tu que le meilleur carrière des Alouettes depuis Cavillo, c'était Jonathan Crompton? Mais le plus talentueux, c'était Ricky Mketo. Les Alouettes, j'en parle souvent, il y avait un blue chip avec Ricky Mketo. Malheureusement, on ne l'a pas développé, puis on a perdu patience avec lui. Mais Jonathan Crompton, sais, ça a pas mal été le meilleur, hein? Puis c'est pas drôle à dire. C'était, mais c'était le meilleur, puis c'était pas fort fort, là. Non, c'était pas fort fort, mais ça veut dire les autres comment ils étaient pas bons. Non, c'est ça, mais tu sais, moi je prends Keto en, aujourd'hui regarde, c'est, avant n'importe quelle autre carrière. C'est une grosse erreur que les Alouettes ont faite de ne pas l'avoir développé. Ce qui est spécial dans le cas de Keto, c'est que il a pas été re-signé nulle part après. Fait que moi, tu sais, parce qu'on analyse le terrain, tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est pour ce qu'on me là, dit, ce qu'on me dit, c'est des gens qui sont sur le beat des Alouettes, Pascal, c'est que dans le caucus, il était dur à comprendre. Ouais. Il vient d'un milieu défavorisé de Miami, hein. Il n'a pas eu facile, Keto, puis ça peut peut-être expliquer ça. Dans le caucus, c'était très, très difficile à comprendre. Beaucoup de problèmes de langage. Ah, ben. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ça. Ben, écoute, je vais aller voir mes contacts, voir si je pourrais pas avoir des réponses là-dessus. Pascal, un gros merci, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Excellent, salut mon collaborateur Pascal.